Bass. Do you play bass or not? En français, est-ce que vous avez un bassiste? Est-ce que vous avez un Records de Play. Just a minute. Pour quelle noceur, quel moqueur, quel goût tordu. toi je ne suis presque rien. Pour rien. Thank you. 32 les gars. Hey, hey. C'est en 32, hein. Beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau, n'écris pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. C'est bien ce qu'il fait. What you do, oh, oh, oh, c'est en 32. But what you are, nobody say. BPI. Il essaye, je tente. Et le français, les petits français, booster, il faut voter. C'est en 32 son. Ray, Ray, do you hear me, Ray? Your song is very nice, but you must vote to change the BPI. Restart to measure one. Thank you. 17. fais, que tu fais de ta beauté. Thank you. l'as-tu fait? Quand l'as-tu fait de ta beauté? Stop, I'm sorry.